France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'Ayatollah Khomeini, l'homme par qui l'un des événements les plus importants du XXe siècle est arrivé. À l'aube de l'année 1979, l'Ayatollah Ruhollah Khomeini, ennemi juré du monarque iranien Reza Pahlavi, le Shah, met un terme à son exil de près de 15 ans. Accueilli en héros à Téhéran, le leader de la révolution iranienne est parvenu à faire tomber la plus vieille monarchie du monde. Un événement dont les effets se font sentir aujourd'hui encore et plus que jamais. Mais ce n'est pas depuis le sol iranien que Khomeini a réussi l'exploit de faire tomber le régime du Shah, une dictature féroce elle aussi, avec sa redoutable sabak, sa police politique, non. C'est d'abord depuis l'Irak, puis dans un modeste pavillon de la lointaine banlieue parisienne, que ce religieux obscur aux thèses rétrogrades est parvenu à mettre l'Occident dans sa poche et à convaincre les responsables européens et américains d'abandonner leur allié de toujours à son sort, le Shah d'Iran. Eh bien aujourd'hui, ces mêmes pays occidentaux ont avec l'Iran comme un gros caillou dans la chaussure. Notre invité aujourd'hui, Bernard Ourcade. Présent en Iran durant la Révolution, il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Iran et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Le 1er février 1979, quelque part dans le ciel iranien. Confortablement assis dans un siège de la classe affaires du Boeing 747 d'Air France, spécialement affrété pour l'occasion, Ruhollah Khomeini savoure l'instant. À 78 ans, cet homme austère, à la longue barbe blanche, toujours coiffé de son turban noir et dont le regard sévère est accentué par ses épais sourcils, abandonne un instant le ton grave qui marque toutes ses interventions. Pour la première fois, et depuis longtemps, il esquisse un sourire. Entouré d'une dizaine de proches, il enchaîne les entretiens avec les journalistes du monde entier qui l'accompagnent dans ce voyage. Tous à bord savent qu'il s'apprête à assister à un moment important. Après 15 ans d'exil en Irak, puis un séjour sur le sol français, l'Ayatollah Khomeini s'apprête à revenir pour la première fois dans son pays. Après 7h40 de vol, l'avion se pose sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran. Quelques instants plus tard, l'Ayatollah apparaît à la passerelle, prenant appui sur le bras du steward français qui l'accompagne dans sa descente. Des milliers d'Iraniens sont présents pour ce vieillard kakoshim, mais dont l'esprit reste très clair et très déterminé. Dans les rues de la capitale, ce sont même des millions de personnes qui se rassemblent spontanément, prêtes à célébrer celui qui, depuis une petite ville de la banlieue parisienne, Naufle le Château, a organisé la chute du Shah, Mohamed Reza Pahlavi. Impressionnante image que de voir ce vieil homme de 78 ans descendre après 15 années d'absence, la passerelle de l'avion qui le ramenait en Iran. Délirante image que de voir ensuite, à la sortie de l'aéroport, une foule hurlante, déchaînée, acclamer celui qu'ils attendaient sur place pour beaucoup depuis hier soir. Je ne pense pas être en mesure de trouver les mots pour vous décrire le spectacle auquel je viens d'assister. Les gardes du corps de Khomeini, obligés de monter sur le toit de sa voiture, et des dizaines, des centaines d'Iraniens devenus complètement fous, s'y agrippant, essayant de l'arrêter. Il aura fallu près de 2 heures au cortège pour parcourir à peine 5 kilomètres. Une foule, comme je n'en ai encore jamais vu, qu'il est impossible d'estimer, 4, 5 ou 6 millions de personnes. Cette fois, les Iraniens ont sans doute compris, ils tournent définitivement un chapitre de leur histoire avec le retour triomphal de l'Ayatollah Khomeini. Ruhollah Khomeini naît en septembre 1902 dans une petite localité située à une centaine de kilomètres de Qom, une ville sainte de l'islam chiite. Il étudie la religion dans les écoles coraniques avant d'intégrer le clergé. Mollah dévoué et pieux, il est nommé Ayatollah, plus haut rang du clergé chiite, au début des années 50. C'est au tournant de la décennie suivante que ce religieux commence à faire parler de lui. Auparavant discret, réservé, il est désormais une voix importante qui s'élève contre celui qui va devenir son ennemi juré, le Shah d'Iran, qui succède à son père en 1941, en pleine guerre mondiale. Après avoir connu un début de règne mouvementé, marqué par un manque d'autorité et la nécessité de faire appel au grand allié américain pour le remettre au pouvoir, l'héritier de la dynastie Pahlavi est bien décidé à reprendre son destin et celui de son pays en main. Dans ses mains. Il est ambitieux et veut faire de l'Iran l'une des plus grandes puissances mondiales. Pour y parvenir, il peut s'appuyer sur ce qui fait la richesse du royaume, le pétrole. Et maintenant, ce curieux pont suspendu, qui n'est autre qu'un des nombreux pipelines qui alimentent la raffinerie d'Abadan. Le puits numéro 2, le dernier né de Gaxaran, d'où le pétrole jaillira au rythme de 150 000 barils par jour, avec la plus forte pression du monde, ce qui lui permettra de gagner l'île de Kark par simple gravité. Depuis 2 ans, la paisible petite île est devenue un immense chantier, et l'on mise à fond sur l'avenir. De l'avenir avec ses digues, ses jetées, ses bassins, qui vont faire de Kark dans quelques mois le plus grand port pétrolier du Moyen-Orient. Un port où pourront accoster des géants de 100 000 tonnes auxquels il faudra moins de 20 heures pour engloutir leur énorme cargaison. L'opération au total coûtera quelques 45 milliards d'anciens francs, mais dans 10 ans, on estime que l'Iran aura doublé sa production de pétrole, c'est-à-dire ses revenus. L'Iran a les poches pleines, le chat aussi, et il compte bien profiter. En 1963, il annonce le début de ce qu'il nomme lui-même la Révolution Blanche. Un grand programme qui vise à moderniser le pays dans son ensemble. Et rien n'échappe à cette ambitieuse révolution. Industrialisation à grands frais, modernisation des infrastructures, réformes économiques et agraires, grands changements sociaux. Reza Pahlavi l'affirme, grâce à ce vaste plan, l'Iran doit devenir d'ici 15 ans un pays majeur qui pèsera sur la scène internationale. Pour réussir son pari, le choix c'est qu'il doit conserver le soutien du clergé chiite. Si ce dernier se tient traditionnellement à l'écart de la politique, son influence sur la population est considérable. Pourtant, et malgré les précautions prises, certaines mesures suscitent d'importantes critiques au sein de l'autorité religieuse. Il y a d'abord la réforme agraire, qui prive le clergé, principal propriétaire terrien du pays. Il le prive d'une importante source de revenus. Chez les religieux, ici comme ailleurs, on ne plaisante pas avec les sous. Mais c'est surtout le volet social de la réforme et la libéralisation du droit des femmes qui en fait enrager certains. Oui, une importante réforme à laquelle une journaliste de l'ORTF consacre un reportage. Quand je suis passée à Téhéran, à la fin du mois de mars, les femmes venaient d'obtenir le droit de vote. J'ai voulu savoir ce qu'elles en pensaient. À Téhéran, j'ai d'abord interrogé Mme Nayer Saidi, qui est le porte-parole du Conseil supérieur des femmes iraniennes. Vous savez, la femme iranienne n'avait pas le droit de participer à la vie sociale. Elle ne devait pas sortir sans voile. Et si une femme voulait voyager, elle devait inscrire son nom sur le passeport d'un homme. Et maintenant ? Oh, vous savez, on voyage tellement maintenant. Moi-même, j'étais en voyage il y a un mois. Et depuis, quelles ont été les grandes étapes de la libération de la femme? Naturellement, on n'avait pas encore le droit de vote. Il faudrait un courage, vous savez, pour arriver à changer ces traditions. Et notre Sa Majesté le Roi, il a montré ce courage. Alors, comme ça, nous avons tout maintenant. Nous sommes enfin des femmes tout à fait libres. Mais la grogne monte en Iran, et c'est bien Khomeini qui attise le feu. Opposant affiché au régime autoritaire du souverain iranien depuis plusieurs années, il critique déjà ouvertement la violence de la SAVAK, le tout-puissant service de renseignement intérieur, cette police créée avec l'aide des Américains et des Israéliens, dirigée d'une main de fer par le général Nassiri, un proche du Shah. Dans ses prêches, Khomeini s'en prend quotidiennement au Shah. Il tente de mobiliser ses fidèles et lance des appels à la rébellion. Résultat, à Qom, les démonstrations de force s'enchaînent et plusieurs manifestants sont tués. Les diatribes de Khomeini résonnent jusqu'à Téhéran, où le Shah s'inquiète de l'appel à la violence de cet ayatollah. Le roi a beau être moderniste, il n'en reste pas moins un souverain autoritaire et il n'entend pas laisser le religieux remettre en cause son pouvoir. L'ayatollah est donc arrêté en 63 et placé en détention. Libéré après un an de prison, Khomeini reprend ses prêches enflammées et continue de menacer le pouvoir royal. En 64, l'adoption d'une loi d'extraterritorialité offrant l'immunité aux nombreux ressortissants américains présents en Iran finit de galvaniser le prédicateur. Furieux, il considère que cette loi scelle l'emprise américaine sur le pays. ses fidèles se montrent de plus en plus turbulents, le chat doit une nouvelle fois intervenir. Si certains conseillers l'incitent à éliminer Roménie, le souverain s'y refuse. L'exil fera l'affaire. Persona non grata, Roménie quitte l'Iran en novembre 64. Il trouve refuge à Najaf, en Irak. Entouré de ses proches, il continue de prêcher en faveur d'un régime religieux dans son pays, mais l'éloignement aidant, il se fait vite oublier. Débarrassé de l'encombrant ayatollah, le Shah poursuit sa politique de modernisation du pays à marche forcée, sans opposition et toujours plus riche, le roi s'enfonce peu à peu dans la mégalomanie. En 67, sorte de Bokassa en royaume de Perse, il se couronne lui-même empereur dans un faste digne du sacre de Napoléon. L'ambition de celui qui se fait désormais appeler Shahenshah, le roi des rois, ne semble avoir aucune limite. En 71, pour célébrer les 2500 ans de l'Empire perse, il organise les fêtes de Persépolis. Plusieurs jours de festivités somptueuses auxquelles les dirigeants du monde entier sont conviés et dont les médias, comme le RTF, se font les plus fervents promoteurs. Persépolis, tout le monde est là. Avant le spectacle Son et Lumière, un banquet ce soir, le banquet, paraît-il, du siècle, 600 couverts, une table de 60 mètres de long dans une immense, immense tente et un empereur, 8 rois, 3 princes régnants, 2 princes héritiers, 13 présidents, 10 cheikhs, 2 sultans et des vice-présidents et des premiers ministres et des ministres des Affaires étrangères, notre envoyé spécial. Depuis 24 heures, la large avenue qui mène aux ruines de Persépolis vit dans une débauche d'hymnes nationaux et de palais de portières. Mais à l'intérieur de cette tour de Babel, et c'est ce qui a frappé Sophie Dumoulin, il y a place pour autre chose que pour la politique. Ce qui ressemble de loin à un camp de nomades contient tous les raffinements que l'on associe généralement aux mille et une nuits, ou bien aux Versailles de Louis XIV, plus ceux que notre époque a inventés. La population, elle, est tenue à l'écart de cette célébration. Pire encore, elle subit de plein fouet la répression féroce de la SAVAK, qui ne ménage pas ses efforts pour mettre la main sur tous les mécontents. Et si peu de voix s'élèvent dans le pays, et pour cause. Depuis l'Irak, l'ayatollah Khomeini, lui, critique avec violence ses faits impies et ce roi devenu fou. En Occident également, la démesure de l'événement inquiète les principaux soutiens du souverain. À Washington, on compte pourtant sur lui. Henry Kissinger, le secrétaire d'État de Nixon, voit l'Iran comme un îlot de stabilité dans la poudrière du Moyen-Orient. Et puis, c'est aussi un allié stratégique aux portes de l'URSS. Le Shah le sait et compte bien utiliser cette position privilégiée pour continuer de remplir les caisses d'un État toujours plus dépensier, quitte à se mettre à dos ses principaux soutiens. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'Ayatollah Khomeini. France Inter, Affaires Sensibles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Depuis le début de la nouvelle guerre du Proche-Orient, il y a eu plusieurs milliers de morts. Et pourtant, ce qui préoccupe ce soir les grandes puissances et à vrai dire le monde entier, c'est, disons, tout à fait autre chose. L'arme suprême des pays arabes, ce n'est sans doute pas la fusée à longue portée, mais plutôt le robinet du pétrole. Hier, les pays arabes du Golfe avaient décidé une augmentation du brut de 17%, mais plus que l'augmentation du prix, c'est la manière qui est significative. Désormais, on ne discute plus. Les pays arabes entendent imposer leurs lois et faire le marché. La décision d'hier à cet égard marque la fin d'une époque. Le premier choc pétrolier déclenché en octobre 1973 à l'initiative des pays arabo-musulmans pour sanctionner le soutien occidental à Israël lors de la guerre de Kippour est une déflagration. Mais c'est aussi une opportunité inespérée pour le Shah. Au sein de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, il est de ses dirigeants qui font pression pour faire flamber les prix. Il est ensuite l'un des rares qui continue à vendre du pétrole à l'Occident, bien content des 350% d'augmentation du prix de son or noir. Toujours plus riche, le Shah se tourne vers l'Europe. Il signe de nombreux contrats avec des entreprises du vieux continent. Paris et Berlin sont les principaux bénéficiaires de ces largesses. Agriculture, automobile, transport public, les sommes engagées par Téhéran sont colossales. Mais dans ces discussions avec les responsables européens, il y a un domaine qui intéresse particulièrement le Shah, c'est le nucléaire. Si son pays bénéficie déjà d'un embryon de programme développé avec l'Amérique, il veut intensifier son développement. Et c'est la France, toujours réactive dès qu'il s'agit de l'atome, qui va tirer son épingle du jeu. La visite officielle du Shah et de la Chabanou a pris fin hier soir. Les souverains iraniens se trouvent maintenant encore pour quelques jours à titre privé en France. Vendredi, le Shah d'Iran visitera le centre nucléaire de Marcoule. Et ce matin ont été signés deux accords franco-iraniens dans les secteurs nucléaires et financiers. L'accord nucléaire, d'abord, il a été signé ce matin au Quai d'Orsay par M. Jean Sauvagnard et son homologue iranien. Il s'agit d'un accord de coopération technique et industrielle pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Voyons donc rapidement maintenant les grands chapitres de cet accord. Tout d'abord, les centrales nucléaires. La France va donc construire en Iran 5 centrales nucléaires. C'est un accord qui porte sur une somme globale de 6 milliards de francs. Les travaux devraient s'étaler sur une dizaine d'années. La capacité globale de ces centrales nucléaires sera de 5000 mégawatts. En contrepartie de tout ça, bien sûr, la France va développer ses achats de pétrole en Iran. On ne connaît pas les détails de cette augmentation d'approvisionnement en Iran. À l'Élysée, on se réjouit. Et tant pis pour ceux qui s'interrogent sur les véritables ambitions nucléaires du monarque iranien. Élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing développe une relation privilégiée avec le Shah. Ils se rencontrent régulièrement, parfois même sur les pistes d'une station de ski suisse, où l'Iranien dispose d'une somptueuse résidence secondaire dont il fait profiter le Français. Dans leurs échanges, Giscard le met en garde tout de même. Le développement effréné dans lequel le Shah a lancé son pays est un danger. Il risque de perdre le soutien populaire. Mise en garde prémonitoire. Car en ce milieu de la décennie 70, la colère monte en Iran. Certes, le niveau de vie a augmenté, mais les inégalités aussi. L'exode rural engendré par la réforme agraire a forcé des millions de paysans à s'entasser dans d'immenses bidonvilles dans les faubourgs de Téhéran. La politique du logement est à l'arrêt et l'inflation est galopante. La population vit mal également la vie que mène le Shah et sa cour. En gros, tout ce beau monde se gave pendant que le peuple crève de faim. Danger. En vérité, c'est le nouveau cycle politique qui s'ouvre à Washington qui va changer la donne. À 18h, heure de Paris, Jimmy Carter devenait donc officiellement le 39e président des États-Unis après la cérémonie de prestation de serment. Paul Amar, vous étiez cet après-midi au Capitole à Washington. I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations. Jimmy Carter, hier candidat, aujourd'hui président, n'a pas changé. Toujours le même ton, un ton de prêcheur. Une formule aussi, the new spirit, le nouvel esprit. L'Amérique tout entière s'apprête à suivre et à soutenir son nouveau chef, un ancien planteur de cacahuètes, devenu président grâce à son acharnement, sa témérité et, ajouterait-il lui-même, grâce à Dieu. L'arrivée au pouvoir du démocrate Jimmy Carter en 1977 est un tournant pour le souverain iranien. Le nouveau président américain a fait du respect des droits de l'homme l'un de ses piliers en matière de politique étrangère. Et, qu'importe si l'Iran est un pays ami, le Shah doit s'y conformer. Alors, celui-ci fait quelques concessions. La SABAC, la police politique, est priée de se montrer plus tempérée. Les réunions d'intellectuels d'opposition sont maintenant autorisées et les contrôles aux frontières pour les ressortissants iraniens sont allégés. Quelques assouplissements, rien de plus, mais suffisant pour le président Carter qui vient de fêter le nouvel an à Téhéran à la fin de cette année 77. Mais après des années d'oppression, ces réformes, toutes réformes, qu'elles soient, ouvrent les vannes de la contestation. C'est toujours le danger quand on soulève le couvercle, on peut être éclaboussé. Et ainsi, à Qom, Rome, un cercle grandissant de citoyens et de clercs se tourne vers l'ennemi juré du Shah, l'Ayatollah Khomeini. Au début de l'année 78, la SABAC transmet au roi, à l'empereur, pardon, des informations en provenance de la ville sainte iranienne. Les troubles causés par les partisans de Khomeini sont de plus en plus réguliers et les ralliements à l'Ayatollah toujours plus importants. Refusant encore une fois de s'en prendre physiquement à son ennemi, le Shah et son entourage décident de lancer une campagne de diffamation à son encontre. Le 7 janvier 1978, un article paraît dans le journal Etelahat, un journal à la solde du pouvoir. Khomeini est un aventurier sans conviction, un pantin ambitieux, suppôt du colonialisme. Un homme au passé obscur et issu des éléments les plus rétrogrades et réactionnaires du colonialisme. Certains disent même qu'il avait séjourné pendant un temps en Inde et que là, il s'était mis en relation avec le colonialisme anglais. Sa réputation est restée dans les esprits depuis qu'il se dressa contre la révolution iranienne dans le but de mettre en œuvre les projets des colonialismes rouges et noirs. Ce brûlot grossier et maladroit ne trompe personne. Pire, la publication s'avère dévastatrice pour le Shah. Dès le lendemain, en effet, une importante manifestation a lieu à Qom. Les partisans de Khomeini se rassemblent par milliers. Le clergé local, pressé par la foule, prend la défense de l'Ayatollah. La police et la SABAC interviennent et tuent 6 manifestants. C'est le début d'un cycle de violence. Selon la tradition chiite, les disparus sont honorés 40 jours après leur mort. C'est ainsi que 40 jours plus tard, de nouvelles manifestations sont organisées. Et elles sont encore plus importantes. Là encore, les forces de l'ordre ouvrent le feu. Nouvelle victime. Réglée comme une montre suisse, la population descend dans la rue tous les 40 jours. Le nombre de manifestants grandit à chaque fois. Les martyrs sont célébrés, le Shah est conspué et l'Ayatollah Khomeini acclamé. Ispahan, Tabriz, Shiraz, Téhéran. Au printemps 78, la révolte gagne les rues de toutes les grandes villes du pays. Les grèves se multiplient et l'économie nationale est paralysée. Les troubles en Iran, le Shah juge la situation suffisamment sérieuse maintenant pour annuler les 2 voyages qu'il devait faire ces jours-ci en Hongrie et en Bulgarie. Les unes après les autres, en effet, les principales villes du pays sont le théâtre d'émeutes. À Téhéran, il y a encore eu hier une manifestation violente. Et à Qom, la ville sainte du pays, les heurts entre opposants musulmans et forces de l'ordre auraient fait 20 morts. Un commentaire de Michel Texier à ce sujet. Après ces 6 mois de violence, le gouvernement de Téhéran veut imposer un coup d'arrêt. Les fauteurs de troubles, a-t-il dit, seront châtiés avec la plus grande vigueur. Et voilà qui promet une belle activité à la célèbre police politique iranienne. On peut craindre le retour de l'Iran à un autoritarisme féroce appuyé sur une armée puissante. En somme, de quoi alimenter de nouvelles violences si l'avertissement lancé ce matin n'est pas entendu. En Occident, la presse et les intellectuels se rangent du côté de la population. Les articles dénonçant la folie du Shah se multiplient. Et la figure de l'Ayatollah, jusque-là inconnue, commence à trouver des partisans. En mai 78, le journal Le Monde envoie le journaliste Lucien Georges en Irak pour rencontrer le mystérieux religieux. Pour la toute première fois, Khomeini accorde un entretien à un reporter étranger. La machine médiatique est lancée. Durant l'été, le Shah, qui cache alors un cancer avancé, est acculé. Il tente de lâcher du lest. Il annonce le remplacement du général Nassiri à la tête de la SABAC et la tenue d'élections libres l'année suivante. Mais si dans les jours qui suivent, la situation semble se calmer, Ces annonces renforcent la conviction des proches de Khomeini. Le roi est en position de faiblesse, il ne faut rien lâcher. L'incendie du cinéma Le Rex à Abadan, près de la frontière irakienne, dans lequel périssent 370 civils, ravive le brasier, c'est le cas de le dire. Alors que tu portes à croire que cet attentat est l'œuvre des partisans de Khomeini, la population est persuadée que c'est le fait de la SAVAK. Une manœuvre bien connue pour faire porter le chapeau à son adversaire et le couper du soutien du peuple. On appelle ça, ici comme ailleurs, la stratégie de la tension. Les jours suivants, d'immenses rassemblements ont lieu dans le pays. Partout, les manifestants scandent. Le Rex d'Abadan, la mosquée de Kerman, le livre du Coran, le peuple musulman, le chat les brûle, le chat les brûle. Quelques jours plus tard, le vendredi 8 septembre, une manifestation interdite se tient sur une grande place de Téhéran, alors placée sous couvre-feu, et la situation dégénère. L'Iran à feu et à sang, la fin du Ramadan a rallumé les émeutes populaires. Malgré le couvre-feu et la loi martiale décrétée dans une douzaine de villes, plusieurs milliers de manifestants, jeunes pour la plupart, sont descendus ce matin dans les rues de Téhéran, criant des slogans hostiles au Shah et à l'impérialisme américain. L'armée a reçu ordre de les disperser. Elle a d'abord tiré en l'air, puis à l'horizontale. Dans le seul quartier de la place Jalais, les combats de rue auraient fait environ 200 morts. Téhéran, ce soir, est une ville en état de siège. La situation est si grave que les compagnies américaines qui ont des bureaux à Téhéran ont autorisé leurs employés à quitter le pays. Affolé, le Shah annonce de nouvelles mesures. Mais l'augmentation de 40% du salaire des ouvriers, ou encore la levée de la censure, ne suffisent plus. Il est décidément trop tard. Le souverain iranien, de moins en moins souverain, cherche aussi à museler l'ayatollah Khomeini qui dirige la contestation depuis l'Irak. Il demande aux autorités de Bagdad de l'expulser. Les proches du religieux décident alors, avec l'aval des services américains et français, de prendre la route de Paris. Valéry Giscard d'Estaing demande son avis au Shah, qui n'y voit pas d'inconvénient, refusant toujours d'éliminer son opposant, persuadé qu'il est que l'éloigner de l'Iran est bien la meilleure des solutions. Le 6 septembre 78, Khomeini débarque en France. Sur place, il retrouve plusieurs exilés iraniens qui l'attendent, comme le Messie. Bani Saadr, figure de l'opposition au Shah, exilé dans l'Hexagone depuis plusieurs années, décide d'installer le dignitaire religieux dans un petit pavillon de Nofle-le-Château, à 40 km à l'ouest de Paris. Dans les heures qui suivent son arrivée, des dizaines d'Iraniens exilés en France et en Europe se pressent dans cette petite ville des Yvelines, qui devient le centre névralgique d'une révolution qui se joue à des milliers de kilomètres de là. Khomeini et ses conseillers multiplient les contacts avec les autorités occidentales. Anglais, Américains, Français, tous viennent à sa rencontre pour tenter de cerner ce personnage mystérieux et vérifier s'il pourrait être une alternative viable au Shah. Fin stratège, les hommes qui entourent Khomeini connaissent les intérêts des pays occidentaux. Et au fil des discussions, ils rassurent. Non, ils ne s'arrimeront pas au camp de l'Est quand ils seront au pouvoir. Oui, ils continueront à livrer du pétrole. Finalement, la vie sans le Shah est envisageable. Khomeini se prête également au jeu des médias. Si cette révolution doit aboutir, ce sera avec l'aide de la presse internationale. Alors, l'incendiaire religieux multiplie les rencontres et participe à de nombreux reportages, comme ce jour où les journalistes de France Inter viennent raconter sa nouvelle vie à Nofle-le-Château. Nofle-le-Château, 1558 habitants, un petit village comme tant d'autres, qui est devenu un peu par hasard la capitale de l'opposition iranienne. Dans ce cadre d'une banalité presque affligeante, l'ayatollah Khomeini partage son temps entre les prières et les audiences qu'il accorde aux fidèles. Sous un pommier, dans le jardin, on place une toile cirée en guise de tapis. C'est là que tous les jours, 50 ou 60 Iraniens se livrent à leur dévotion avec ferveur. L'ayatollah dirige également de Nofle son combat contre la dynastie Pahlavi. C'est là qu'il reçoit les émissaires venus d'Iran. C'est là aussi qu'il répète inlassablement aux journalistes ses accusations contre le Shah. Ces mots d'ordre lancés de Nofle-le-Château deviennent quelques jours plus tard, à Téhéran, les slogans des manifestants. Les hommes qui entourent le religieux savent qu'il faut veiller à préserver l'image du vieux leader. Les positions rétrogrades de l'ayatollah ne doivent pas paraître aux yeux des occidentaux. Alors tout est verrouillé. Les questions doivent être envoyées à l'avance et les réponses de l'ayatollah sont soigneusement préparées. S'il faut mentir sur le sort qu'il réserve aux femmes ou aux opposants, aucun souci. Mentir aux fidèles comme aux infidèles n'est pas un problème. Et la stratégie paye. Les médias occidentaux prennent fait et cause pour les révolutionnaires. Des intellectuels célèbres comme Jean-Paul Sartre, qui une fois de plus se trompe, c'est une seconde nature, et Michel Foucault également, deviennent d'importants relais de la cause iranienne. Le petit pavillon de Neuf-le-Château devient clairement le centre opérationnel de cette révolution. Grâce aux lignes téléphoniques et aux fax mis à disposition par les autorités françaises, l'ayatollah et ses conseillers guident en direct les événements en Iran. C'est aussi de là qu'est organisée la propagande. Chaque jour, le guide spirituel enregistre ses discours et ses consignes sur des cassettes audio, reproduites par milliers et distribuées sur le territoire iranien. Durant les 112 jours de son séjour en France, ce sont ainsi près de 600 000 cassettes qui sont envoyées en Iran. Et des millions de citoyens suivent ainsi les consignes presque au jour le jour. Le résultat se fait rapidement sentir. À l'automne 78, la situation se dégrade et le chat est au pied du mur. Le 6 novembre, il s'adresse pour la dernière fois au peuple iranien lors d'une intervention télévisée, où il admet des erreurs et avoue en direct reconnaître la légitimité de la révolution. Malgré tout, il espère encore pouvoir sauver sa peau. Le 4 janvier, il nomme un nouveau Premier ministre. Ce sera le dernier. Il s'appelle Shapour Pakhtiar, un opposant historique au régime des Pahlavi, plusieurs fois emprisonné. C'est lui qui prend la tête de ce gouvernement de la dernière chance. La situation du Shah est claire désormais, et la nomination de ce Premier ministre l'atteste, il a perdu la main. Côté occidental, les chefs d'État français, américains, anglais et britanniques se retrouvent lors d'un sommet en Guadeloupe. Ils prennent la décision d'abandonner le Shah. La messe est dite. Dans les jours qui suivent, les tractations s'intensifient à Neuf-le-Château. Paris et Washington tentent de convaincre l'ayatollah de laisser la transition se faire sous l'égide du gouvernement de Shapour Pakhtiar. Mais le religieux, qui enregistre chaque jour de nouveaux ralliements d'opposition, notamment des communistes, refuse catégoriquement. Plusieurs de ces hommes sont d'ailleurs déjà en Iran, il prépare son retour. À la mi-janvier, l'ambassadeur américain à Téhéran rencontre le Shah pour la dernière fois. Il lui demande de plier bagages et lui propose l'asile aux États-Unis. Le 16 janvier 1979, le Shah, devenu empereur d'opérette, dirigeant et conduit, se résout à quitter l'Iran. Il était 11h moins le quart, heure de Paris, quand le Shah d'Iran, les larmes aux yeux, a quitté son pays. Un départ en catimini. À la dernière minute, il a annulé la conférence de presse qu'il devait tenir sur l'aéroport de Téhéran. Le Shah et la Shabanou sont maintenant en Égypte, à Assouan, où le président Sadat, un ami de toujours, leur a réservé un accueil triomphal pour leur remonter le moral. Il aura fallu 12 mois de crise politique, de violence et d'émeutes pour en arriver là. Enfermé dans son palais impérial, le Shah a tout essayé pour braver la colère populaire et pour rester au pouvoir, maniant tour à tour la carotte et le bâton, épuisant trois gouvernements, dont un dirigé par les militaires. Il a finalement passé le relais à Shapour Bakhtiar et accepté la formation d'un conseil de régence dont la seule évocation le mettait en colère il y a seulement un mois. Une page est tournée. Officiellement, le Shah d'Iran est donc parti en vacances pour se reposer. Son départ a provoqué d'extraordinaires scènes d'allégresse dans les rues de Téhéran. Dans les jours qui suivent, l'appareil d'État s'effondre et le Premier ministre Shapour Pakhtiar ne peut que reconnaître son impuissance. Le 28 janvier, il annonce lui-même que plus rien ne peut s'opposer au retour de l'ayatollah Khomeini en Iran. Le mercredi 31, le religieux et sa garde rapprochée quittent Neuf-le-Château. Le leader de la révolution monte à bord d'une voiture officielle et sous escorte de motards de la police française, il prend la direction de l'aéroport. Après presque 4 mois passés en France, il s'apprête à retrouver l'Iran. Et on va voir ce qu'on va voir. Le changement va être radical. En vérité, le pays va passer d'une dictature à une autre. Et celle-ci est adossée au pouvoir religieux. Cocktail funeste qui n'annonce rien d'autre à la population que soumission. Alors, Khomeini traverse la capitale iranienne devant une foule de plus de 2 millions de personnes. Un triomphe. Mais la confusion règne toujours à Téhéran. le gouvernement dirigé par Achapour Pakhtiar, de plus en plus esselé, tente tant bien que mal de rester sur pied, et quelques poches de résistance dans l'armée sèment le trouble. Mais cela ne va pas durer. Le 10 février 79, le pouvoir militaire déclare sa neutralité. Et le 11, le dernier gouvernement du Shah remet sa démission. La plus vieille monarchie du monde vient de tomber. L'ayatollah Khomeini devient de fait le dirigeant du pays. La République islamique est proclamée le 31 mars suivant à la suite d'un référendum et la constitution est adoptée en décembre. En février 80, Bali Sadr, celui qui avait organisé l'exil français de l'ayatollah et fidèle parmi les fidèles, est élu président de la République islamique d'Iran. Dans les mois et les années qui suivent son arrivée au pouvoir, Khomeini dévoile son vrai visage. Les puissances occidentales, anciens alliés du Shah, qui ont par la suite œuvré pour sa chute, subissent un violent retour de flamme. Les puissances étrangères se sont laissées berner par ce religieux au discours soigneusement polissé, et c'est la population qui paye la note. La réalité de la vie sous Khomeini, ce sont les droits des femmes réduits et les droits humains en général bafoués. Les anciens alliés de l'ayatollah subissent eux aussi de plein fouet le régime autoritaire qui se met en place. Bani Sadr, le premier président de la République, est renversé moins de 2 ans après son élection et contraint à un second exil en France. Et la mort du guide de la Révolution le 3 juin 1989 ne change rien au destin tragique des Iraniens, ni à la stratégie de Téhéran qui continue de tirer les ficelles au Moyen-Orient, que ce soit avec les prises d'otages de journalistes français au Liban dans les années 80, les attentats terroristes toujours au Liban et jusque dans les rues de Paris, lié au contrat nucléaire passé avec le Shah, l'affaire Rodif, et le travail de sape du Hezbollah aujourd'hui contre Israël, en soutien du Hamas et appuyant toutes les exactions de l'islam chiite radical sur ses zones d'influence. Oui, retour de flamme. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la prise de pouvoir par l'ayatollah Khomeini en Iran. Notre invité Bernard Ourcade, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez présent en Iran durant la révolution. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste donc de l'Iran et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Quel souvenir vous gardez de ce séisme auquel vous avez assisté? Vous avez pris conscience à l'époque que c'était un séisme géopolitique, que ça dépassait largement les frontières de l'Iran? Non. Non. D'écouter ces enregistrements à l'instant m'a remémoré l'incrédulité que l'on avait. Une révolution, par définition, ça ne se prévoit pas, c'est surprenant. Mmh. Et j'ai été époustouflé, traumatisé, choqué, rendu ignorant par les manifestations de millions de personnes dans les rues de Téhéran. En novembre 10 et 11 décembre 78, il y avait les chars d'assaut dans les rues, l'armée était là. Martial, elle se retire de quelques centaines de mètres et une manifestation extraordinaire, pacifique, traverse les rues de Téhéran. Avec des vieux portraits de Khomeini, il n'avait pas de portraits de photos récentes, de vieilles photos des années 60. Et les gens étaient là et sont surpris à prendre le pouvoir. Et c'est, je crois, là un peu la clé et l'ambiguïté de cette révolution. Les gens ont pris le pouvoir dans la rue, ils ont pris le territoire. J'ai vu cette scène extraordinaire de dizaines de milliers de femmes populaires en chadors noirs, qui ne sortent pas de chez elles normalement, qui défilaient en disant « Ah bah le Shah, ça ne se fait pas, une femme de bonne famille ne veut pas crier comme ça dans les rues ». Et c'était la révolution. Ouais. Des choses impensables se passaient, mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Qu'est-ce que ça veut dire, ces manifestations? Qui veut quoi? Khomeini, oui, mais enfin, c'est un religieux, il ne va pas prendre le pouvoir, c'est pas possible. Mais on n'entend que lui. Donc, des millions de questions, mais surtout, la foule qui était dans les rues, et ça, c'est un événement très important. Alors, on connaît la suite. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que spécialiste de l'Iran, qu'on assiste aujourd'hui avec ce pays un grand gâchis? Tout à fait. Et là, il faut remonter à Khomeini, justement, et en 64, quand il a pris cette opposition très ferme. Non pas la révolution blanche du Shah, traditionnellement contre les femmes, la réforme agraire, des choses traditionnelles des religieux conservateurs. Mais quand il s'est opposé au statut spécial donné aux forces militaires américaines. Et donc, il s'est opposé à l'impérialisme américain. C'est ça, c'était ça sa première motivation, parce qu'on disait qu'avant, il était comme les ayatollahs, plutôt discret, ne se mêlant pas directement de politique. Là, il y a une goutte qui fait déborder le vase, et pour vous, c'est ça, c'est le grand Satan américain. Tout à fait. D'accord. J'ai fait un papier il y a quelques années dans Orient 21, qui est une revue en ligne sur le Moyen-Orient, parlant des trois vies de Khomeini. Au début, Khomeini est un très bon savant, spécialiste de Platon, très modéré, très fidèle et étudiant. Et puis ensuite, à partir de 63-64, justement, il a son grand patron, Bourgerdi, étant décédé, il a renversé la table pour lui-même. C'est pour ça que les ayatollahs de Qom étaient opposés à lui. La plupart étaient quiétistes, avaient l'argent du chat, ne voulaient pas d'histoire. Ouais. Mais Khomeini était un intellectuel assez brillant qui avait beaucoup de succès auprès des étudiants. Et donc, quand il a dit s'opposer à la réforme agraire, un peu comme tout le monde, ça, c'était pas original. Mais sur les Américains, il touchait à l'impérialisme. Et là, il rejoignait les opposants marxistes de l'époque. Ne pas oublier que nous étions en pleine guerre froide. Bien sûr. Le problème de l'Iran, c'était qu'il y avait au nord un pays qui s'appelait l'URSS et qui pouvait, en quelques heures, envoyer ses chars d'assaut pour prendre le pétrole, notre pétrole. Mmh. Et c'est ça l'essentiel. Et en disant « je m'oppose aux Américains », il a eu la sympathie tout de suite de toutes les oppositions tiers-mondistes ou pro-communistes ou pro-soviétiques qui se mêlaient aux droits de l'homme, la gauche en général, mais de façon très confuse, dire « le chat est un soutien de l'impérialisme américain ». C'est une clé essentielle. Ce bonhomme-là, religieux, bon, on n'aime pas ce qu'il dit, peu importe, mais enfin, il a une audience populaire. Ça peut être un élément que nous, quelques opposants qui sommes quelques milliers, ne pourrons jamais renverser un gouvernement. Mais si on a les millions de gens chiites avec nous, là, ça peut changer les choses. Et Khomeini a mis dans la balance, justement, une opposition qui était traditionnelle, mais surtout était politique. Et c'est ça la clé de Khomeini. Et donc, là, je me souviens, Vagnetto, vous avez passé tout à l'heure, me le rappeler, quand Khomeini arrive au pouvoir, le chat est parti. Qui gouverne le pays? C'était des émeutes partout, l'anarchie complète. Qu'est-ce que l'on fait? Les communistes prendront le pouvoir? Oui, ils étaient très actifs, les communistes, le Parti Toudé, les extrémistes trotskistes. C'est pas possible. Finalement, Khomeini, les mollahs, on les connaît bien, ce sont des intellectuels, des gens pour la justice. Donc même si Khomeini est un petit peu agité, l'ensemble des mollahs, on peut s'entendre avec eux. Donc vive les religieux qui vont au moins donner un pouvoir. Et donc, il y avait un consensus nationaliste pour conservateur, je dirais, pour dire « Ok Khomeini, tu prends le pouvoir ». Et après, on va s'arranger pour te mettre de côté et mettre en place des gens sérieux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et puisqu'on parlait de la guerre Iran-Irak, donc c'est pendant toute la décennie 80. Hein. Oui, septembre 80. Ouais, c'est exactement. C'est important. Mais pourquoi l'Irak a agressé l'Iran? Alors, l'Iran est un pays révolutionnaire. C'est pas en France qu'on dira le contraire. On va donc exporter la révolution et faire que tous les peuples de la région musulmans vont pouvoir se débarrasser de leurs dictateurs. Ça ne manque pas de dictateurs dans la région. Non. Et donc, tous les dictateurs de la région ont dit « nous sommes en danger ». Ce Khomeini, qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans, a réussi à renverser le chat, qui était le gros morceau, soutenu par les Américains à fond. Plus que la Turquie et l'armée turque. Des États, on a peur. Donc, tout le monde s'allie contre l'Iran. Et en plus, on dit, l'Iran, c'est en fait un agent des soviétiques. Sachant que, au mois de décembre 79, qu'est-ce qui se passe? L'URSS envahit l'Afghanistan. Oui. C'est écrit. Pour une décennie aussi, la même. Exactement. Et donc, ils prennent l'Afghanistan, ce qui est facile à faire, c'est les communistes étaient au pouvoir déjà en Afghanistan. Et la prochaine étape, c'est l'Iran. Les chars soviétiques prennent le pétrole d'Abadan. Dans quelques semaines, c'est une affaire qui est entendue. Il faut faire barrage à cela. D'autant que l'Irak est à majorité chiite, en plus. Oui, à l'époque, c'était le socialisme du Baas. Oui, c'était beaucoup plus que de ça. Saddam Hussein, oui. De Saddam Hussein, qui est un technocrate, militaire technocrate. Mais qui voyait aussi la façon de prenant le pétrole iranien, il est devenu le principal producteur de pétrole face à l'Arabie Saoudite. Quand Nixon se rend dans le Golfe en 73, il va en Arabie et en Iran. Ils disent, mes deux amis, vous êtes les gendarmes du Golfe Persique, l'arabe et le persan. Le chat était beaucoup plus fort à l'époque. Et Selisha, vous l'avez bien montré dans votre émission, est devenu le roi de la région, l'empereur de la région. Absolument. Les Irakiens, qui sont laïcs, qui sont révolutionnaires, socialisants, disent, c'est pas possible, l'Irak est un grand pays. Et donc, en prenant le pétrole iranien, Saddam Hussein prenait le pétrole et donc l'argent de l'Iran, faisait que l'Iran était marginalisé et il pouvait à ce moment-là se mettre face à face avec l'Arabie Saoudite qui est le patron de l'islam. Ouais. Et donc ainsi, l'Irak devenait le grand patron, le grand interlocuteur de la région. Alors la France maintenant. Donc la France accueille ce monsieur à Neuf-le-Château. Pourquoi ? C'est la tradition d'asile de la France et aussi parce que l'ayatollah Khomeini a donné des gages, on va continuer à vous vendre le pétrole, ne vous en faites pas. Et pourtant, et en même temps, le Shah fait ami-ami avec Giscard. C'est un peu compliqué à comprendre ça. Oui. Alors, on voit maintenant les archives ou les mémoires des gens qui étaient en poste à Téhéran ou dans les ambassades d'affaires étrangères françaises dans cette année-là. On avait à ce moment-là, dans les années 77-78, de jeunes diplomates ou l'attaché de défense français, que l'attaché de défense israélien, qui ont dit, d'accord, le chat est en béton, il ne bougera pas, mais il y a quand même des alertes. Beaucoup de ces gens-là ont été mis à pied. Je connais, il pourra en parler peut-être, c'est quelqu'un qui était premier secrétaire de l'ambassade de France à Téhéran. Mmh. Il a été interdit de télégramme, interdit de rédiger quoi que ce soit, parce qu'il avait fait un papier que l'ambassadeur n'avait pas vu, disant « Il est possible qu'éventuellement on puisse envisager que le chat ait des fragilités. Le chat n'a pas de fragilité, c'est le patron, on n'a pas le droit de parler autre chose. » Donc, quand on se rend compte que cette prémonition était juste, oui. La France fait un peu marche arrière, et un peu trop marche arrière, et investit sur Khomeini, au lieu d'avoir géré la crise depuis 77, peut-être, ils sont trop tard, tout le monde est débordé, donc Khomeini, on le prend. Et on va toujours essayer de voir ce qu'on peut faire avec lui. C'était un peu une façon de compenser l'aveuglement français que l'Israélien ne partageait pas à l'époque, qui a fait qu'on n'a pas vu monter la révolution et on était aveuglé par la guerre froide, disant les Russes arrivent à Téhéran. Et les Américains, justement les Américains, l'ambassadeur américain allait tous les matins à 10h voir le chat pour lui dire ce qu'il fallait faire. Ouais. Il dirigeait l'Iran. Ouais. L'Iran était une colonie américaine, à un degré qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Mon ami Yann Richard vient de publier un bouquin sur l'histoire des relations Iran-États-Unis jusqu'à la Révolution. Il montre par les archives américaines et iraniennes à quel point l'impérialisme américain, il faut bien employer ce mot-là, dominait, écrasait l'Iran. Ce qui a permis effectivement un aveuglement. On n'envisageait pas que l'Iran pouvait sortir de... Et donc jusqu'à le dernier moment, ils ont essayé de le faire disant « Le danger étant le communisme, que les communistes prennent le pétrole. » Les curés, excusez-moi, les religieux sont les meilleurs adversaires des communistes. Ils l'ont toujours montré dans l'histoire de l'Iran. Le meilleur adversaire des communistes, c'est les religieux. Il s'appelle Khomeini, on s'en fiche. Donc, jouons la carte Khomeini, qui est de meilleure assurance vie contre les communistes. Et puis aux États-Unis, in God we trust. Nous croyons en Dieu. Mm. Et donc, entre le messianisme de Carter, droit de l'homme, et un religieux qui a pour devise au nom de Dieu le clément miséricordieux, bon, on peut trouver une solution. On peut trouver une solution. Merci infiniment en tout cas. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Ayatollah Khomeini, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Lison Berger.